manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, je vous souhaite mes meilleurs vœux et bonne année 2026 à l'écoute de vos programmes érigés et surtout à l'écoute de votre émission Johnny de A à Z. Et je laisse également John Hallyday présenter ses vœux de nouvelle année, c'était le 31 décembre 1967 sur l'antenne de RTL. Voici des vœux pour la nouvelle année, des vœux très sincères, vœux de bonheur, de joie et de santé pour la terre entière, vœux d'amour et vœux d'amitié, oui, du bonheur pour le monde entier, de l'espoir, de la joie aussi, oh oui. Voici mon cœur et voici ma chanson, ce sont mes étrennes. Je voudrais voir s'enfuir de vos maisons la peur et la peine. Que l'an nouveau qui commence aujourd'hui n'ait pas de problème. C'est le seul vœu que je fais, mes amis, pour vous. Oui, vous que j'aime. Le vœu d'amour et vœu d'amitié, oh oui, du bonheur pour le monde entier. De l'espoir, de la foi aussi, oh oui. Que je viens chanter ici, à peu d'amour, peu d'amitié, oui, peu d'amour, peu d'amitié. Bienvenue dans cette première émission de l'année 2026 sur RIG. Et ce soir, on écoute l'émission Johnny de A à Z, la 595e émission, et celle-ci sera en live. Universal Music sortira enfin son prochain archive live, la fête de l'UMA 1985, le 30 janvier 2026, en double CD Digipack, en triple vinyle album, et aussi en picture disc, celui-ci uniquement disponible sur le store Johnny Hallyday. Et je vous diffuserai quelques extraits en exclusivité dans 15 jours, c'est-à-dire le 21 janvier. Hein. Et pour le coup, votre émission Johnny de A à Z sort quelques archives aussi, hein, connues et moins connues, des archives TV, des archives radio, sur scène et même en répétition. Et commençons par cette première archive. John Hallyday fait sa première apparition à la télévision romande en décembre 1960 lors d'une émission enregistrée depuis le Grillon à Genève. Et à 17 ans, il est célébré comme l'idole des jeunes par Anne-Marie et Jean-Charles. Accompagné par ses musiciens, dont le guitariste genevois Jean-Pierre Martin, Johnny Hallyday livre Souvenir, Souvenir, le petit clown de ton cœur, Killy Watch, lors d'une prestation survoltée. Et cette émission fut diffusé le 4 janvier 1961. Et bien maintenant, voici venu la minute, le moment de la vedette de ce soir. Ah. Cette vedette, c'est l'idole des teenagers actuels. Il s'agit de Johnny Hallyday.

À présent, réécoutons cette archive de Europe 1, diffusée le 23 juillet 1963 lors d'un musicorama résumant ce concert gratuit célébrant la première année de l'émission radio Salut les copains, réunissant non pas 15 000 personnes comme attendu, mais 150 000 spectateurs à la Place de la Nation le 22 juin 1963. Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile Le Sieur. Ce soir, comme chaque soir pendant la durée du Tour de France, nous allons passer la soirée ensemble pour écouter les vedettes de la chanson. Nous sommes Place de la Nation à Paris où se trouve le magnifique podium d'Europe numéro 1. Il y a sur cette Place de la Nation une ambiance formidable. D'abord une affluence absolument fantastique. Des jeunes sont même montés sur les toits, sur le clocher d'une église. Il y en a partout, sur les anciennes petites maisons de l'Octroi, vous savez, dans les arbres. Alors là, il y a de véritables grappes humaines. Et au balcon, bien sûr, n'en parlons pas. La foule autour du podium et des places assises se fait de plus en plus pressante. Ce sont les enfants qui franchissent le mieux les barrages. Ils en sortent de partout. Tous les prétextes leur sont bons pour approcher. J'ai mon petit frère qui s'est perdu. Finalement, d'ailleurs, on ne sait plus quels sont les enfants perdus retrouvés. Car c'est fou ce qu'on perd de choses ce soir. Près du podium, il y a tout un lot de chaussures, de montres et d'enfants trouvés. Mais tout ça dans la confiance et la bonne humeur. On avait annoncé pour ce soir Johnny Hallyday. Je crois que s'il n'était pas venu, on aurait pu craindre vraiment une émeute. Mais heureusement, tout se passe bien. Johnny a réussi à gagner le podium, pas facilement d'ailleurs, il a dû monter dans un panier à salade, c'était le seul moyen d'approcher, ça lui a fait d'ailleurs un drôle d'effet, mais grâce à Dieu, le voici, il est arrivé, et maintenant, c'est lui qui chante, Johnny Hallyday. Christian, à notre tour de danser. Christian, oui, Christian, et laissez-nous twister. Et laissez-nous twister. Et laissez-nous twister. Twist! Et laissez-nous twister. Fais pas un peu les copains, est-ce que vous savez taper là, Romain? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué déjà? Est-ce que vous êtes des vrais copains? Est-ce que vous savez taper dans vos mains? Est-ce que vous aimez le rock? Est-ce que vous voulez mettre de l'ambiance? Alors allons-y! Baby, est-ce que tu veux je l'avais jamais vue. Jamais de ma vie une fille aussi jolie que toi, que toi. Hey, hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Quelle tête tu faisais quand je t'ai abordé? Tu as rougi et puis tu t'es sauvé juste au moment où je te disais hey, hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Mais je t'ai couru après et je t'ai rattrapé. Tout t'es soufflé, alors tu m'as souri. Et tu m'as dit oui quand je t'ai dit hey, hey, baby. Oui, est-ce que tu veux être mon ami? Être mon ami. Être mon ami. Être mon ami. Together, like we did last year. Well, do you remember when I think you really have it? Well, come on, let's twist together. Wasting time is here. Well, round and up and down we go again. Baby, you make me know you love me so. Let's twist together like we did last summer. Well, come on, let's twist together like we did last year. Twist! Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z, où on écoute ce soir dans cette émission spéciale live ou spéciale archive. Oui, je sors quelques archives connues et moins connues, ou sinon des archives qui n'ont pas été éditées sur des vinyles, sur des CD, sur des supports. Quoique, il y en a qui, jusqu'en 1962, ont profité que les droits, que tous les droits étaient dans le domaine public pour publier quelques albums, quelques CD également. C'est le cas, par exemple, du Grillon de Genève que nous avons écouté il y a quelques minutes. Nous sommes à présent en août 1965 et les actualités télévisées annoncent le retour à la vie civile de Johnny Hallyday, comme en témoigne cette émission suisse Interjeune, filmée à Montreux, diffusée le 20 août 1965. Je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Je suis un soldat comme d'autres là-bas. danse, je m'ennuie. Et c'est le temps d'en finir pas. Je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai d'être séparé. Ah oui, changer plus fort que jamais. Je veux t'aimer. Et je suis un soldat comme d'autres là-bas qui a laissé son amour à regret. La nuit, quand revient la nuit, je rêve au jour de mon. C'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Tu le remplaceras d'ici, tu l'oublieras. Maintenant, dans tes yeux, toute la joie s'est envolée. Oui, s'achète tes larmes, oublie tout ça avec toi, viens danser. Et quand tu sauras que tu t'es consolé dans mes bras, oui. Ce jour-là, peut-être enfin, il revient vers toi. Oh, Carl, ne me regarde pas comme ça. Oui, ce soir, si je suis là, c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Dans mes bras, mais tu es loin de moi. Oui, tu penses à celui qui ne viendra pas. Mais je crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Oui, il vient tout droit vers toi aussi, tu lui souris déjà. Il est trop tard pour moi, c'est bien fini. Et oui, déjà, on dirait qu'il a changé d'avis. Dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Oh, come on! Ne me regarde pas comme ça. Mais il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. On reste en 1965 et nous allons à Marseille dans la salle de Alcazar où Johnny se produisait en septembre 1965 et cet extrait était diffusé lors de l'émission Provence Midi Variété. Par contre, l'émission a été diffusée 6 mois après ce concert où on retrouve Johnny Hallyday chantant jusqu'à minuit et le titre Les mots près du ciel. Thank you.

mon près du ciel, les monts près du ciel, j'y ai tant souffert. On les appelle les monts près du ciel, pour moi c'est l'enfer. En partant la ville, les gens vivent et les gens s'aiment. Je vois une église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent caillent dans mon pauvre cœur. Et je pleure seul mon amour perdu. Là-haut sur les monts près du ciel. Là-haut sur les monts près du ciel. Ouais, là-haut sur les monts près du ciel. Votre émission Johnny 2 à Z sur RIG sort quelques archives connues et méconnues, des archives TV, radio, sur scène et même des répétitions. Et là, on va retrouver Johnny Hallyday le 24 décembre 1967. Les téléspectateurs retrouvaient Johnny Hallyday dans l'émission Noël, les enfants du monde, gala au profit de l'UNICEF, enregistré quelques jours plus tôt. Oui, chante San Francisco, petite fille, mon fils est aussi dur que du bois. On écoutera que mon fils est aussi dur que du bois sur l'antenne de RIG. Il faut que tu saches, ce homme entre les mains du fossoyeur, ce homme n'était pas un lâche, il est mort pour sauver son honneur. Mon fils, tu ne peux pas comprendre. Si cet homme a dû prendre son fusil, c'était pour mieux se défendre. Et c'est lui qu'on enterre aujourd'hui. Et les hommes se faisaient du nord. Les hommes qui volent et qui pillent. On a senti sa maison. On a mangé la boisson, et on fait pleurer sa fille, et ses hommes, pour danser. Mon fils, tu vois cette femme, peut-être fière de lui. Dans son malheur, sa vie se termine en larmes. On enterre la moitié de son cœur. Mon fils, tu vois ses couronnes, te prouve qu'il n'était pas seul dans la vie. Écoute la cloche qui sonne. Son ami et des hommes prédits et non, ouais, des hommes de sang et de haine. À une nuit tranquille, on traverse la ville et on détruit son domaine. Ce n'est pas un spectacle pour un garçon. Fils, il faut que l'on rentre. Nous attend à la maison. Yeah. j'en ai plus caché. Ils m'ont fait du mal. Le bol à mon secret, ne cherchez pas pourquoi. Si j'ai le cœur aussi dur, assis-le. Le 28 septembre 1969, June Hallyday se produisait à Pyrrhic pour la dernière date de sa tournée d'été. Une tournée triomphale sous chapiteau avec des records comme le soulignait le magazine Salut les copains. Record absolu des entrées, record des chansons interprétées, record des rappels, record de la transpiration, record des retours à l'hôtel en panier à salade. Voici deux titres. Que je t'aime. Merci, merci. Et juste après, il y aura Rivière. Ton lit. Quand tes cheveux s'éteignent, comme un soleil que tu lutes, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Et des îles ont trésor que

rien qu'une fille de mauvaise vie. Et ce soir, je veux coucher au ventre des bras, comme la porte à l'épée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut de ma chemise, ouais? Moi j'ai horreur, moi j'ai en horreur de chanter pour un public qui est aussi loin de moi. Ouais. J'en vais vous voir avancer un peu tout le monde. Hey, go! Rivière, ouvre ton lait, ouvre ma ton lait. Rivière, ouvre ma ton lait. Wow! Je veux descendre au fond de toi, rivière, je veux descendre au fond de toi. Je veux toucher le fond de mon malheur. Rivière, ouvre-moi ton lit. Toucher le fond de ton cœur. Ah, rivière, ouvre-moi ton lit. Hey, hey, hey, hey, hey, rivière, ouvre-moi ton lit. Écoutez, ériger l'émission Johnny de A à Z, et qui ce soir, Johnny de A à Z sort ses archives, comme là, une très belle archive, donc Pyrrhic, en septembre 1969, une superbe version de Rivière, ouvre ton lit. À présent, nous sommes le 19 juillet 1970, Johnny électrisait le public italien lors du Palermo Pop 1970, un festival retransmis par la RAI. Et sur scène, Johnny livrait une performance intense de deux titres emblématiques, Cours plus vite Charlie et le titre Mal. Oh, no! dire son voisin Jean. Non, comment je crois la même fille, fille déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Je ne me dis qui gagnera, épouse on va le faire. Comme le Charlie et tu gagneras, je ne retourne pas. Comme le Charlie et tu gagneras, la fille sera pour toi. Il croyait bien que son argent c'était de l'amour. Il avait déjà ouvert à les portes de son palais pour recevoir les jolies affaires de mademoiselle essayée. Comme le Charlie et tu gagneras, elle ne te retourne pas. Comme le Charlie et tu gagneras, la pizza sera pour toi. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le banquier de son ami lui soufflait sur le dos. Comme le Charlie, et tu gagneras, elle ne te retourne pas. Comme le Charlie, et tu gagneras, mais la paix sera pour toi. La paix sera pour toi. La paix sera pour toi. Let's go! de la tournée d'hiver 1971, Johnny se produisait à Bruxelles pour deux concerts, le 17 et le 18 décembre. Et en extrait, je vous propose d'écouter La fille aux cheveux clairs et Si tu perds la première. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Est-ce que ça va? Je vous aime. On se connaît mal, mais il y a une chose qui nous rapproche l'un à l'autre, c'est la musique. Et je suis là aujourd'hui pour vous. Cette chanson a été faite parce que moi j'aime beaucoup, j'aime surtout les filles blondes. Avec des yeux bleus. Comme je suis un peu aussi ici, je crois que il y a beaucoup de filles qui ressemblent à ça en Belgique. C'est pour ça que j'aime bien les filles belges. Et si dans la salle ce soir, il y a une fille ressemble à la fille de la chanson, elle peut toujours venir me voir après le spectacle. Et je pourrais l'aimer pouvez m'aimer. J'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour, mais j'avais longtemps voyagé. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais. Le pays m'envahit. je serai ce jour-là. Et si tu feras la première, tu sais, je t'adresse ma prière, tu sais, emmène-moi avec toi. Écoutez toujours l'émission Johnny de la Z qui sort ses quelques archives, et là une archive Tipiak en direct de Bruxelles. On reste dans les Tipiak aussi, 1972 dans la carrière de Johnny Hallyday est synonyme de la tournée d'été Johnny Circus, un périple rocambolesque malgré des concerts magiques, un désastre financier, un carnage affectif. Voici donc en extrait Johnny Hallyday interprétant Dead or Alive à Valence le 9 juillet 1972. Ah, elle était là, ouais. Oh, la danse, c'est le bon moment pour... What a song! Well, I'm

plaît, de les entendre, je veux bien m'embrasser aussi, tu me dis, et tu me quittes, entre nous, ce n'était que je vous en prie. Je te vois partir, mon corps ne regrette pas la chose de dire que tu te retires. Si tu me quittes, entre nous ce n'est plus qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Entre nous ce n'est plus qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Avec ses joies, ses folies, ça prend comme elle vient, j'ai compris. Et la vie, qui t'en va, surtout n'ai aucun remords, que j'ai eu raison ou tort, oublie. Et la vie, c'est la vie. Chaque nuit se joue la comédie de l'amour à l'infini, comme un défi. Et des gens qui connaissent l'affaire finie, ils me condamneront tant que je sais, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Tu pars, adieu, en pis. 17 septembre 1982, la radio RTL diffusait en direct le show de Junaïdé au Palais des Sports. Quelques titres de cette date furent exploités pour l'édition de ce concert en 1983, mais le titre « Deux étrangers » y est étranger, je dirais même disparu. Disparu en 2003 pour sa réédition, mais on l'écoute dans l'émission Johnny de A à Z. Alors que les cuivres et les choristes sont répartis sur la droite et sur la gauche de par terre, la section, le piano est en haut sur la droite dans le décor. Lumière verte et jaune, et Johnny toujours sous un projecteur de poursuite blanc. Dans ses mains et il incite la foule à en faire autant. Les lumières ont un peu changé maintenant, couleur mauve et rouge. La section cuivre. Thank you. RTL a retrouvé les bandes de diffusion de l'émission Rock Estival de 1984, Sunday Rock, et sont actuellement dans un coffre depuis juin 2021, en attendant un projet d'Universal et ou un les accords des ayants droit. Écoutons deux duos, le premier avec Gilbert Montagnier chantant I Got a Woman, et le second avec Alain Bachung, le duo Casualty of Love et Vertige de l'amour. Vous écoutez RIG, c'est l'émission Johnny de A à Z. Says, always treat me right. Right. Never running the streets, loving me alone. She knows the woman plays. Yes, or to treat me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows a woman plays now. I tell her, I got a woman way up in town. She's good to me. Thank you. Il se profile donc la sortie du prochain Archive Live Fête de l'Humanité 85, édité par Universal Music. Ça sera donc le 30 janvier. Mais revenons sur la répétition à la Maison de la Culture de Bobigny de ces quatre concerts donnés au mois de septembre et octobre 85. Les deux derniers extraits que je sors de ma mallette, que je sors des archives de l'émission Johnny 2 à Z, ce sont Rien à personne et Aimer vivre. I sing out to these men.

Ainsi s'achève cette première émission de l'année 2026. C'était Johnny de A à Z, la 595e. Avec Johnny de A à Z sort les archives. On va dire que c'est le numéro 1. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé à cette émission. Et n'oubliez pas que cette émission sera en podcast dès demain, vendredi, hein, on verra bien. Et évidemment, je vous retrouve tous et toutes la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.